Ce vendredi, à la vie en BD, le Turbo Kid de Jake Dion, le Nunavik de Michel Hellman, le samedi de la BD gratuite et un regard sur le travail de la coloriste Isabelle Merlet. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans l'univers du 9e art. Et un 9e art très varié. Cette semaine, on va dans l'univers fantastico-post-apocalyptique du film Turbo Kid avec la bande dessinée La Dernière Aventure d'Apple. Une première forêt d'ailleurs dans le format comics pour le studio Lunac. On va également parler d'un autre recueil qui lui sera disponible à partir de demain et essentiellement la journée de demain, puisque c'est du côté anglophone le Free Comic Book Day, du côté francophone, et ben depuis quelques années, 5 ans pour être exact, c'est également le samedi de la BD gratuite. Alors un recueil chapeauté par Jean Marquis, qui sera avec nous pour nous présenter un peu les tenants, les aboutissants de cette 5e édition de l'initiative. Également, dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Michel Hellman. Après nous avoir transporté il y a quelques années dans son quartier, dans le Mile End, et ben il prend Air Inuit et nous amène du côté du Nunavik, dans une expérience et dans un livre à métissage, peut-être un peu de journal, de reportage et autres. Alors, on va en parler avec lui dans quelques minutes. Également, en fin d'émission, on est dans l'événementiel, on parle de couleurs avec Michel Giguère, l'animateur des rendez-vous de la BD, qui recevra la coloriste Isabelle Merlet mercredi prochain lors de ses rendez-vous. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Alors, un menu qu'on envisage fort joyeusement, mais par contre, en parallèle des notes d'actualité peut-être un peu plus tristes. Notamment, on parle de la disparition de Ciné, gravement malade. Le dessinateur Ciné, Maurice Ciné, de son vrai nom, est décédé le 5 mai dernier, à l'issue d'une opération au poumon à l'âge de 87 ans. Malgré sa maladie, Maurice Ciné continuait de s'occuper de sa revue satirique Ciné mensuelle. Il avait d'ailleurs dessiné la couverture du dernier numéro, un mensuel qui était diffusé à 50 000 exemplaires, né en 2011 sur les centres de l'hebdomadaire satirique Ciné Hebdo, qu'il avait créé en 2008 après son éviction de Charlie Hebdo pour une chronique faisant référence à Jean Sarkozy, qui avait été jugé à l'époque antisémite. Alors, évidemment, Ciné, un incontournable, un des derniers représentants des fameux caricaturistes des années 70 comme Volinsky, Cabu, qui avait côtoyé durant la vingtaine d'années passées à Charlie Hebdo, d'ailleurs. Autre décès également, celui d'Hubert Mounier, principalement connu pour avoir été le fondateur du groupe L'Affaire Louis Trio, sous le pseudonyme de Clyde Boris, est décédé donc le 2 mai, lui, d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. Le chanteur qui était également auteur de bandes dessinées, auteur d'albums comme J'ai réussi, Le monde merveilleux du rock et Super-héros, également. Alors, des titres qui, entre autres, pour la Maison de pain d'épices, racontaient la naissance de son nouveau disque solo et évoquaient le chemin parcouru depuis la dissolution du groupe. Hubert Mounier est décédé alors qu'il travaillait sur un album de bande dessinée pour Dupuis, intitulé Le roi de la jungle et dédié à Tarzan. Et dernier notule, on parle des finalistes des prix Bélilis qui ont été dévoilés un peu plus tôt cette semaine. Alors, c'est chapeauté, on le rappelle, par promo 9e art. Alors, finaliste du prix Bélilis Québec. Alors, je vois des antennes partout de Julie Delporte chez Pow Pow, Paul dans le Nord de Michel Rabagliati à la Pastèque, La Petite Patrie de Julie Rocheteau, Normand Grégoire d'après le roman de Claude Jasmin, également du côté de la Pastèque, Ping Pong de Ziane chez Pow Pow, et enfin, également chez Pow Pow, White Earth, première partie de Samuel Quentin. Une sélection qu'on décrit du côté du jury comme étant éclectique, qui éclaire la grande variété des genres et des formes exploitées par les artistes québécois de la narration linéaire à l'essai, passant par le récit en fragments. Bélilis Jeunesse, 5 titres également nominés, L'Arbre Forêt, tome 1, Les Mondes Cachés de Silvio Camboni et Denis-Pierre Filippi, L'Effet Carton de Doug Tenapel, Le Jardin de Minuit d'Edith, Nas Poids-Plume, tome 1, L'École de la Vie d'Ismaël Méziane et Youth United, tome 1, L'Agent du Voyage de, oui, Jean-David Morvan et Séverine Tréfouel. Bélilis Monde, donc sélection assez variée d'ailleurs, d'albums à caractère international qui ont été diffusés au Québec au fil de la dernière année. Alors j'y vais rapidement. également, on parle de Bye Bye Maggie de Jamie Hernandez, Carnet de santé foireuse de Pozla, La favorite de Mathias Lehmann, La fourmilière de Michael DeForge, Panthère de Brecht Evans, Les petites coupures à Chioguni de Florent Chavouet, Les ogres dieux petits de Bertrand Gatignol et Hubert, Safari lune de miel de Jesse Jacobs, Sony, les trois premiers tomes de Taiyo Matsumoto et The Wake de Sean Murphy et Scott Snyder. Également, les BDistes remettent un prix à des publications indépendantes. En fait, les auteurs sont invités à soumettre différents titres à l'attention du jury. Alors, 5 nominés, Ilrod de Frédéric Holm, L'idiot tome 1, Le Québec de Jocelyn Bonnier d'après le roman de Fedor Dostoevsky, La Chine Beach de Skip Jensen chez Trip, Les pénis inattendus de Valérie Jacques Bélair et enfin The Traveler livre 1, Le labyrinthe cosmique de Fred C. et LPRZ de Trip. Ah ben voilà, donc les lauréats vont être rendus publics le 26 mai prochain au Théâtre Sainte-Catherine. Alors voilà pour ces quelques notules. Et maintenant, on passe immédiatement à notre premier invité qui est avec nous au bout du fil, Michel Hellman. Bonjour. Bonjour. Alors, on le mentionnait tout à l'heure, en fait, on passe de la BD de proximité avec Mile End à un sujet peut-être un peu plus éloigné, le Grand Nord québécois avec le Nunavik, mais en restant en correspondance aussi de l'un avec l'autre. C'est un peu, presque, j'ai l'impression, une mise mi-côte à côte. C'est ces deux Québec qu'on nous présente à travers un même regard. Oui, ben c'était ça un peu mon but aussi, de mettre en opposition le Mile End, qui est le quartier dans lequel j'habite à Montréal, le quartier que j'aime bien, mais qui est aussi un quartier à la mode. On en parle beaucoup, hein. On dit que c'est le rendez-vous des artistes, il y a toutes les boutiques, tous les restaurants un peu chics, et on en parle trop, à mon avis. C'est devenu un peu superficiel, donc je voulais mettre en opposition ce quartier-là avec le Nunavik, le Grand Nord, qui est, comme je l'explique dans le livre, à un moment, le tiers-monde dans notre propre province. Oui, puis un tiers-monde assez particulier. En fait, je pense qu'il y a une blague, d'ailleurs, qui est lancée par une des personnes que tu as rencontrées, qui dit, dans les familles inuites, en fait, il y a les parents, les enfants et l'anthropologue. C'est un peuple qui est très photographié, en fait, qui est très étudié. Mais finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte que, somme toute, pour le grand public, c'est un peuple aussi qui est une région qui est relativement, très voire même très méconnue. Oui, complètement méconnue. Et en fait, je voulais en parler dans ma BD, et mettre le personnage... Je voulais que le lecteur s'identifie au personnage un peu comme un touriste qui découvre ça pour la première fois, pour le confronter justement avec ses propres ignorances, parce que ses ignorances, c'était mes ignorances quand j'y suis allé pour mon premier voyage en 2008. Celle de penser, par exemple, de pas vraiment connaître la différence entre le Nunavut et le Nunavik. J'en parle dès le début. On mélange le Nunavik, qui est la région au nord du Québec, avec le Nunavut, qui est un territoire qui appartenait avant au territoire du Nord-Ouest. Aussi de même pas savoir vraiment l'histoire des Inuits, de penser qu'ils sont là depuis des millénaires, mais en fait, ça fait seulement entre parenthèses, entre guillemets, 1000 ans qu'ils sont là. Avant, il y avait d'autres cultures, les paléo-esquimaux. En tout cas, il y a une histoire très riche et qu'on ignore totalement, souvent parce qu'on est victime des préjugés puis des idées reçues. C'est un sujet que je voulais aborder justement en faisant une bande dessinée. Oui, en fait, c'est un peu dans l'idée. Évidemment, en fait, il y a des préjugés, évidemment, et des idées reçues qui ont certaines assises. Quand on parle de réalité plus difficile, bon, la drogue, la dépression, l'alcoolisme, la perdition. Donc oui, c'est présent. Mais en même temps, j'ai l'impression, et je pense que tu confirmes un peu cette perspective-là, que l'idée de mettre ça en perspective. Donc oui, il y a ça, mais il y a autre chose. Il y a un contexte aussi à ça que nous, on peut pas comprendre. Oui. Exactement. Et c'est un peuple, ça je voulais le montrer dès le début avec les conversations que j'ai avec cet Inuk, c'est un peuple qui a su comment s'adapter à des conditions extrêmement difficiles et qui continue à s'adapter. Et de toujours en parler en mettant l'emphase sur les côtés négatifs, les drogues, le suicide qui font partie de la réalité, c'est une manière peut-être de juste les bloquer dans une espèce de... dans une idée, dans une image, comme s'ils ne pouvaient pas évoluer. Mais en fait, on voit que malgré les grandes difficultés qu'ils ont, ils ont réussi à s'adapter à la modernité, mais aussi à utiliser leurs traditions dans un contexte moderne. Par exemple, les congélateurs communautaires, dont je parle dans ma bande dessinée, parce que la nourriture est très chère, parce qu'il y a beaucoup de villageois qui ne peuvent pas se permettre de chasser. Les produits de la chasse sont mis dans un congélateur et tout le monde peut se servir. Donc, ils utilisent la technologie moderne dans un contexte de leur tradition tribale. De mettre en lumière une certaine forme de résilience, en fait, je pense que c'est le bon terme. Voilà, un peuple de résilience, un peuple qui m'a beaucoup impressionné aussi. Dans la bande dessinée, j'essaye d'être le plus honnête possible, hein. Vraiment, je montre les côtés positifs comme négatifs, mais je ne sais pas non plus, je ne voulais pas tomber dans le piège de faire de l'angélisme. Ça n'aurait pas eu l'air authentique si j'avais fait ça, si j'étais juste en train d'essayer de créer un espèce de mythe autour du gentil Inuit et du méchant colonisateur. Mais ce que j'ai vu là-bas, c'est vraiment des gens qui m'ont énormément impressionné et je voulais en parler, je voulais utiliser la bande dessinée pour pouvoir en parler. Tous les dialogues, parce que c'est quand même une fiction, hein. J'ai fait deux voyages dans Nunavik, mais les dialogues, les personnages, de temps en temps, c'est des personnages composites. Les dialogues, je les ai mis dans la bouche d'autres personnages, mais c'est toutes des choses que j'avais notées dans mes carnets. Donc, il y a vraiment, c'est complètement lié à la réalité de mon voyage là-bas. Il y a des moments, en fait, il y a un moment qui est très fort à l'intérieur de ça, où finalement ton personnage, en fait, ton avatar, trouve un certain confort au fil de sa visite, et finalement, il y a quelqu'un qui revient pour mettre en perspective ce confort-là en disant, regarde, là, ta baignoire remplie d'eau, tu te rends pas compte à quel point c'est un luxe d'avoir ces conditions-là ici, et que finalement, c'est comme une bulle touristique dans un parc que tu visites, en fait, une bulle touristique qui est un peu créée, qui est pas du tout représentative de la réalité autour non plus. Donc, il y a quand même aussi des réalités qui se côtoient, si on peut dire, de ceux de passage, les touristes, les chasseurs, etc., et ceux qui y vivent et qui doivent s'adapter, qui doivent, comme on disait, faire preuve de cette résilience-là pour y demeurer, pour y exister. Ben oui, voilà, et puis c'est ces contrastes que je voulais souligner, parce que c'est très cher de voyager là-bas, le tourisme est vraiment pas développé, donc quand on va croiser des gens, c'est ce qu'on appelle un tourisme de luxe, ou alors des chasseurs qui sont prêts à payer vraiment des milliers de dollars juste pour ramener un panache de caribou, un trophée. Donc, c'est ça, ce contraste entre ces millionnaires qui vont chasser, qui dépensent une fortune, qui ont des goûts de luxe, et des populations qui vivent, certains, dans des conditions vraiment déplorables. Ce qu'on entend aux nouvelles, c'est vrai, c'est pas... ils réussissent quand même, dans le village, à avoir quand même un certain niveau de vie, mais il y a des gens qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. Et Michel Hellman, de ton côté, en fait, tu le disais, t'as fait deux voyages, dans le fond, dans le Nord, t'as fait le premier, et t'as déjà livré aussi quelques livres autour de cette thématique-là, Le Petit Guide du Plan Nord, Iceberg. Donc, Nunavik, c'est le deuxième voyage, c'est le troisième livre. Qu'est-ce qui t'a accroché initialement vers ces régions-là, puis qu'est-ce qui t'a ramené aussi vers ces régions-là par la suite? J'ai toujours aimé le Nord, j'ai toujours été attiré. Je pense, quand j'étais plus jeune, je lisais Jack London, des romans comme ça. Mais c'est difficile d'y aller, c'est cher, et puis aussi, il n'y a pas vraiment de structure d'accueil. Il commence à y en avoir. Alors, en 2008, j'ai eu la chance de gagner un concours de journalisme organisé par le magazine Géoplein Air pour faire un reportage. Donc ça, c'était tout frais payé. Quand j'y suis allé, ça m'a vraiment... je suis tombé des nues. J'ai adoré mon voyage. Alors, j'ai voulu quand même... ça m'a inspiré parce que j'ai découvert un petit peu plus sur la culture inuite, sur l'histoire des Inuits. Et j'ai eu déjà l'idée en 2008 d'en faire une bande dessinée, mais j'avais pas assez de substance, donc je voulais y retourner. Donc j'ai réussi à accumuler les ressources pour y retourner cet été, en août, avec mes propres moyens, de rester un peu plus longtemps, de prendre plus de notes, avec l'idée d'en faire une bande dessinée. Donc de dépasser justement, parce que les autres publications, c'est des petits, c'est des livres de croquis, c'est des plus publications indépendantes, donc d'aller vraiment avec un album en bonne et due forme. Oui, les albums plus expérimentaux, comme Le Petit Guide du Plan Nord ou Iceberg a été fait en papier découpé, Le Petit Guide du Plan Nord avec du plastique, des sacs de plastique, ça c'est des clins d'œil en fait à l'art inuit que j'ai découvert, la gravure surtout, qui est un art qui m'a aussi vraiment impressionné, et une manière peut-être d'exprimer un petit peu ce que j'ai vu, les paysages, parce que je trouvais que ça suffisait pas juste des dessins ou des photos, je voulais trouver une manière plus... avec un art un peu différent pour exprimer un petit peu ce que j'ai vu là-bas. Et c'est intéressant parce que dans Nunavik, et tu pourras me corriger si il y a lieu, mais oui, en fait, les paysages du Nord sont présents et les séquences où on nous montre un peu des vues d'ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de centrer Nunavik sur l'humain, sur l'habitant, sur autant toi, le visiteur, que ceux qui s'y trouvent, et que c'est vraiment plus ça que les paysages qui sont vraiment au cœur de cet ouvrage-là. Oui, c'est exactement ça. Le personnage... subit une transformation avec son voyage. C'est un peu le même modèle que dans Myland, ma bande dessinée Myland. Et cette transformation, il l'a subi vraiment à la rencontre. Et les différents chapitres que j'ai organisés avec les différentes communautés que le personnage visite, il passe à travers différents stades un petit peu. Il passe du touriste anthropologue au touriste un peu de luxe, à finalement celui qui comprend un petit peu plus la réalité de la région et qui se comprend un petit peu lui-même, parce que c'est un peu une recherche identitaire qu'il fait aussi. Aller au bout du territoire québécois pour voilà, c'est un père, il vient d'avoir un enfant, il ne sait pas trop où se situer, il ne sait pas. Il y a une nouvelle étape dans sa vie, donc il a besoin d'un espèce de voyage initiatique, et donc, il le découvre à travers justement ce. Ce parcours à travers le Nunavik. Et est-ce que c'est des réflexions que tu as choisi aussi de transposer de ton côté à travers ce voyage-là, à travers le livre, des réflexions latentes, une part de tes réflexions à toi, de ce que tu cherches à toi, à toi-même, à travers cette relation avec le Nord, ou c'est vraiment plus dans l'esprit justement de poursuivre le récit, d'avoir une notion de narration, de récit, dans le fond, qui était présent dans le Nunavik versus simplement l'idée d'un journal ou autre? Ben, c'est un peu les deux. C'est une autofiction, c'est sûr. Je voulais utiliser aussi mon personnage comme le personnage central pour que le lecteur puisse s'identifier. Et voilà, c'est une manière aussi d'aborder le Nord comme on le fait pas souvent, avec humour, avec légèreté, en apparence, parce que j'aborde quand même des thèmes assez difficiles. Mais je voulais, même avec le style de dessin, que ça a l'air accessible. Je voulais démystifier un petit peu le Nord. Peut-être donner envie aux gens aussi de le découvrir, idéalement. Je trouve que c'est des voyages qui valent vraiment la peine, même s'ils sont chers et difficiles à organiser. Et puis aussi peut-être piquer leur curiosité à propos de la culture inuite et de la culture autochtone au sens plus large. Oui, parce que le livre en fait aussi en différents tons. Je mentionnais le journal, il y a des moments où c'est très dans le quotidien. Il y a d'autres moments où on a l'impression d'être un peu dans une BD reportage. D'autres moments où on est plus dans un carnet presse de croquis. En fait, il y a des beaux intertitres, notamment au fil du récit. Donc, on oscille un peu entre les formes. On s'oblige pas à être que dans l'entrepôt, au contraire, ou éclater la forme aussi, éclater oui, le ton. Oui, c'est cette formule libre que j'ai utilisée dans la bande dessinée Myland aussi, que j'ai voulu refaire. C'est une série de petites histoires qui suivent en fait une grosse histoire. De temps en temps, je vais un petit peu dans l'absurde. La forme, en fait, si je voulais décrire le livre, c'est un peu comme un carnet de voyage. Et d'ailleurs, il y a des croquis qui sont dans la bande dessinée, qui sont des croquis qui sortent directement de mon carnet de voyage que j'ai scanné, que j'ai mis dedans. Donc, le carnet de voyage, c'est une recherche personnelle à travers un voyage qu'on fait à l'extérieur. Donc, on passe à travers différents états d'âme, on fait des observations sur les gens, sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Et tout ça, ça crée peut-être une ambiance plus intime. Donc, vraiment, une manière de vraiment transporter le lecteur dans le Nord que j'ai tellement aimé, dans le Nord qui m'a tellement impressionné. Et à travers ça, évidemment, toujours avec ton personnage animalier aussi, qui force une certaine distance entre l'observateur, dans le fond, donc ton avatar, et l'univers dans lequel il se trouve, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, parce que comme ça, tout le monde peut s'identifier avec le personnage ours. C'est pas nécessairement un gars dans la fin trentaine. Ça peut être un peu n'importe qui. C'est un peu un masque, en fait. Un masque que je me mets moi-même et un masque que le lecteur peut aussi mettre, se dissimuler dans cette peau-là. Et à travers ça, évidemment, donc on plonge dans l'univers du Nord, on plonge dans cette réalité-là. Est-ce que toi, comme la deuxième fois tu y es allé, tu disais, bon, la première, c'était pas nécessairement dans l'esprit d'affaire un album, t'aurais voulu en faire un, tu savais un peu ce qui manquait pour justement arriver avec ce produit-là? Est-ce que t'es parti déjà avec un plan de match clair, avec des choses que t'allais chercher, ou est-ce qu'au contraire, l'esprit de Nunavik s'est plus bâti au fil du deuxième voyage? Je dirais que c'est plus bâti au fil du deuxième voyage. Au deuxième voyage, j'avais pas une idée précise. Je voulais en parler, mais j'ai quand même pris beaucoup plus de notes, j'ai fait beaucoup plus de dessins, parce que j'avais l'idée, grâce au deuxième voyage, de faire une incursion plus profonde. Mais il faut dire aussi qu'entre le premier voyage et le deuxième voyage, je me suis beaucoup intéressé à la culture inuite, mais aussi aux gens, aux Québécois du Sud, qui vont habiter dans le Nord. Donc, je suivais des blogs, des travailleurs sociaux, des enseignants, et puis je suis rentré en contact avec certains d'entre eux pour avoir une meilleure idée un petit peu de leur réalité. Donc, la bande dessinée Nunavik a l'air d'être juste des premières impressions, mais il y a quand même un travail de recherche aussi. Je voulais donner un portrait le plus complet possible du Nord. Oui, puis aller chercher comme on le disait au départ, en fait, aller chercher les bonnes premières impressions, si on peut dire, justement, de pousser en fait, pour que nous, ça nous semble une première impression en récit, il faut quand même aller un peu plus loin, il me semble, dans l'exercice documentaire pour porter une bonne vision représentative de cette réalité-là. C'est ça, et puis quand il est question des Autochtones aussi, il y a des sensibilités à apporter, et avec raison d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de de faire un portrait des Inuits, mais qui serait en fait exotique, et là tomber dans le piège colonialiste aussi. Donc, je voulais donner le portrait le plus complet avec les bons côtés, les mauvais côtés. C'est encore un portrait de surface parce que c'est une région tellement riche, il y a tellement de choses à découvrir, mais c'est au moins un point de départ. Oui, est-ce que tu as l'impression qu'il y aurait peut-être un autre Nunavik qu'il faudrait que tu fasses éventuellement pour poursuivre, aller plus loin dans cette démarche-là, dans ce regard-là? C'est clair, ou alors peut-être un autre livre sur le Nord, j'ai envie d'y retourner, peut-être avec mes enfants quand ils seront un peu plus vieux, mais c'est sûr, je pense que c'est un sujet, il y a encore énormément de choses à dire, et puis je trouve que la bande dessinée, c'est un bon outil pour communiquer toutes ces choses que j'aimerais dire sur le Nord, sur la réalité, sur tout mon intérêt que j'ai pour la culture inuit, sur leur art, sur leurs défis. Et quand tu reviens d'un voyage comme ça, qu'est-ce que tu en gardes, toi, en retournant? Parce que c'est, je pense, en fait, sans voler de punch ni rien, mais la dernière image en dit long aussi sur le paradoxe entre ces deux réalités-là, des univers qui se côtoient pas, au-delà de la politique, dans le fond, au-delà qu'on est sur une même province, mais j'ai l'impression que c'est radicalement deux Québec. La dernière image illustre assez bien aussi. Donc, comment on revient d'un voyage comme ça, puis qu'est-ce qu'on en garde en terminant d'un voyage, d'un parcours comme celui-là? Je dirais, honnêtement, c'est des voyages qui changent une vie. J'exagère pas, je pèse mes mots. C'est pour ça que je recommande aux gens, s'ils ont la possibilité de le faire, de le faire. Mais je suis pas un expert. Il y en a qui sont restés là-bas, qui ont travaillé plusieurs années. Moi, je suis vraiment allé comme touriste. J'ai eu la chance, quand même, en tant que touriste, de visiter plusieurs communautés et de voir la toundra. Et puis, c'est exactement ce que vous dites à propos du contraste. C'est à quel point on ignore le Nord, mais à quel point aussi le Nord ignore le Sud. Et puis, on parle des deux solitudes entre les Anglais et les Français au Canada, mais il y a vraiment cette grande solitude entre la réalité autochtone et notre réalité à nous. Peut-être une nouvelle génération maintenant de jeunes autochtones qui veulent utiliser leur culture, mais qui sont peut-être plus ouverts à s'exprimer. Peut-être ça va réussir à peut-être créer des ponts. Enfin, j'espère. On découvre tout ça, et d'ici là, évidemment, on découvre Nunavik, la bande dessinée. Michel Hellman, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Alors voilà, je rappelle Michel Hellman, qui est dessinateur scénariste sur la bande dessinée Nunavik, une bande dessinée qui est disponible du côté des éditions Pow Pow. De la vie en BD sur les ondes du 89.1. En musique, cette semaine, c'est Mr. Smash 64 avec Retro Pixel Party. Et on poursuit maintenant nos regards en se plongeant sur le très court terme, la journée de demain. Samedi 7 mai, c'est le Free Comic Book Day du côté anglophone. Du côté québécois, il y a un pendant francophone qui a été développé il y a 5 ans par Jean Marquis de la boîte à BD de Laval. Ça s'appelle le Samedi de la BD gratuite. Et Jean Marquis est avec nous au téléphone. Jean, bonjour. Alors, 5e édition, quand tu as lancé l'initiative, est-ce que tu croyais te rendre jusqu'à cette étape charnière-là? Écoute, au départ, c'était vraiment pour ajouter aux sélections du Free Comic Book Day, vraiment localement pour ma librairie. Et certaines librairies, pour l'année 2, ont mentionné leur désir d'avoir des copies, eux autres aussi. Puis après, on a travaillé là-dessus, puis c'est parti dans ce sens-là. Et là, t'es rendu à 31 librairies indépendantes qui participent au Québec et en France, et littéralement partout au Québec, la Abitibi-Gaspésie et entre les deux, là. Et même 32, il y a la librairie Sainte-Thérèse qui s'est ajoutée là tout juste 2 jours. Fait que Non, on voit l'intérêt grandissant, c'est bien plaisant. Et est-ce que c'est les libraires qui t'approchent pas mal d'autres libraires, ou est-ce que c'est toi qui fais un peu le réseautage? Comment on s'ajoute, dans le fond, à cette initiative-là? Ben là, pour la suite, l'an passé, il y avait la boîte de diffusion qui m'a vraiment donné un gros coup de main en faisant la diffusion de mes copies pour rejoindre leur clientèle, les libraires. Mais c'est moi qui faisais la sollicitation aux librairies. Et là, cette année, j'ai eu un gros coup de main aussi de l'Association des libraires du Québec. Fait que grâce à l'Association des libraires du Québec et la boîte de diffusion, c'est pour ça qu'on est rendu si loin. Et tout ça dans le contexte d'un recueil, je pense, en fait, ceux qui ont eu l'occasion de mettre la main sur le recueil les années précédentes, je pense, peuvent s'attendre un peu à dans cette continuité-là. Donc, c'est quelque chose de très varié. C'est vraiment une invitation à la découverte. Oui, on a autant des petites histoires inédites que les autres. Ça, c'est vraiment plaisant. Là, les auteurs en bac font des petites aventures exclusives pour la parution. Mais j'ai aussi des extraits d'albums, parce que le but, c'est ça, c'est de faire découvrir des trucs que les gens vont pas au premier lieu à aller vers ça. Mais quand on lit la BD, puis on se rend compte, on va découvrir des intérêts là, de cette manière-là. Fait que c'est ça le but premier, c'est de mettre la BD dans les mains des gens. Oui, puis en fait, après ça, d'aller chercher, comme je disais, des jeunes auteurs, des auteurs émergents, des auteurs plus établis. Donc d'avoir vraiment une variété dans les styles, une variété dans les types d'histoires, une variété dans les gens qui les écrivent. Oui, on a de tout. On a de tout. Même cette année, je suis bien content parce qu'on a une bande dessinée là, qui date des années 30 d'Albert Chartier. Fait qu'on va chercher même un autre volet là, cette année. Oui, j'allais te demander d'ailleurs, Jean-Marquis, comment vous avez mis la main sur cette planche-là qui n'a pas été tant diffusée que ça, il me semble, non plus. Ben, c'est un collectionneur qui est ami avec la famille Chartier à force de faire des dans le milieu là, de la librairie, puis toutes les expositions qu'on fait, c'est là qu'on se fait des contacts, et c'est arrivé comme ça. Tout simplement? Ben oui. C'est fun quand il y a des choses qui se passent simplement, qui vont un peu plus de soi. Et en même temps, on a tendance, en fait, c'est des planches qui... Je trouve ça intéressant de mettre à côté, justement, des trucs historiques, des trucs d'un auteur majeur de l'histoire de la BD québécoise avec d'autres auteurs. On dirait que ça met les choses un peu en perspective aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment très, très, très, très intéressant. Et monter, préparer un recueil comme ça, parce que Jean-Marquis, donc t'es libraire, toi aussi, tu le dis toi-même, en fait, tu l'avais commencé au départ pour ta librairie, ça grandit. Comment on porte ça? Est-ce que j'imagine que ça doit quand même gober un peu de temps aussi? Ça reste une bonne job, offrir ce recueil-là à chaque année comme ça? Écoute, c'est la passion au départ qui m'a fait embarquer dans ce projet-là. Et En soutenant, on s'est déjà parlé dans le passé, l'auteur David Terrien qui fait Martin Ninja, qui a voulu, j'y ai demandé de l'aide, parce que c'est ça, vendre des bandes dessinées et les faire, c'est deux mondes. Mm-hmm. Alors, il a accepté de me donner un coup de main de ce côté-là, il a embarqué dans le projet, et c'est parti comme ça. Et au niveau financier, donc, tu as des appuis aussi, justement, pour permettre l'édition et le reste, que ça reste que c'est un recueil 100% gratuit. Les auteurs sont bénévoles aussi, donc... Ben, tout le monde est bénévole, mais la production complète, c'est tout sur les... c'est vraiment tout moi qui produis tout. On partage un peu les frais avec les librairies participantes, mais au départ, c'est vraiment mon projet à moi qui est financé. Et donc, après 5 ans, est-ce que tu dis faudrait continuer pour 10, qu'on est bien parti? Ouais? Écoute, j'ai de la misère à rester dans le moment présent. Ça fait déjà des mois que je pense au numéro 6, les changements qu'on va faire et tout ça. Là. Oui, pour... les idées sont déjà là, mais il faut que j'essaie de revenir maintenant parce que la journée est demain. Oui, c'est ça. On se dit, OK, l'année prochaine, on pourrait changer ça, faire ci, ça, ci. Mais déjà que demain aussi, et c'est le cas, je pense que tu t'es signalé dans le communiqué d'ailleurs du samedi de la BD gratuite. Donc, c'est aussi de donner une opportunité, si on peut dire, aux librairies de faire des activités autour du recueil. Je pense, exemple, du côté de Trois-Rivières, je pense qu'il y a un mini-festival de type un peu mini-comic-con ou presque. De ton côté, tu as des activités aussi à la boîte à BD à Laval. Donc, il y a des libraires comme ça qui font un spécial pour le samedi de la BD gratuite. Oui, oui, oui. Et tout dépendant aussi, il y en a que c'est leur première expérience, c'est les premiers arrivés. Ils font des spéciaux sur les BD en librairie. Certains ont des auteurs en dédicace, même s'ils n'ont pas participé au recueil. Mais de toute façon, le but, c'est de faire des découvertes. Alors, c'est parfait, c'est super. Puis il y en a d'autres comme Zone 51 Trois-Rivières. Oui, lui, il va à fond avec son cosplay fest et tout ça. Oui, en fait, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, l'initiative au départ, je le disais d'entrée de jeu, c'était beaucoup le côté anglophone. Et on dirait que le mouvement et le fait d'avoir le recueil, ça a un peu rappeler à la communauté que c'était aussi la BD francophone qu'on pouvait célébrer le 7 mai. Oui, ben ça a été ça mon cheval de bataille. Et donc le 7 mai, essentiellement, on se présente dans les librairies, on demande le recueil. À Québec, en fait, c'est Première Issue et la librairie Pantoute sur la rue Saint-Jean qui participent. Il y en a, on le disait, 32 qu'on trouve sur la boîte abd.com. En fait, il y a une page dédiée sur les librairies participantes. Elles sont répertoriées. Ben en fait, on souhaite longue vie à cette initiative-là, évidemment. Jean-Marquis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Et bon samedi de la BD. Merci, à toi aussi. Bye-bye. Alors, je rappelle Jean-Marquis, donc, qui est responsable du samedi de la BD, de ce recueil samedi de la BD gratuite, qui est également libraire du côté de la boîte à BD de Laval. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL. Je rappelle que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également, si vous n'avez pas eu le temps de noter les adresses et le reste, ben évidemment qu'on diffuse l'information via notre Facebook ou via le blog voir.ca/Raymond-Poirier concernant, entre autres, autre chose, le samedi de la BD gratuite et d'autres activités liées à la bande dessinée. Toujours Mr. Smash 64 qui nous entraîne vers un autre segment de sélection musicale de cette semaine. Et cet autre segment nous amène, lui, vers l'univers de Turbo Kid, un film dont vous avez peut-être entendu parler, qui est déjà, je pense, on peut le dire, passé au statut de culte. Un film produit au Québec et un film autour duquel l'univers est en train également de se construire. Et entre autres choses, il y a une BD qui s'appelle Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple, qui a été publiée tout récemment chez Studio Lunac. Et pour nous en parler, on est en compagnie de son auteur, Jake Dion. Bonjour. Salut. Alors, Jake, Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple. Donc, dans l'univers Turbo Kid, tu étais déjà d'ailleurs impliqué dans cet univers-là. Tu collaborais avec les artisans du film, notamment sur la phase storyboard. Exactement. Roadkill Superstar, c'est un collectif de trois réalisateurs, Johan Carl Wissel, Anouk Wissel et François Simard. Puis, eux autres, ça fait super longtemps qu'ils font des films et on se connaissait là, avant même Turbo Kid. Quand ils ont eu le financement pour faire leur premier long métrage, ils m'ont engagé pour faire des storyboards. Fait que c'était une des plus belles expériences professionnelles que j'ai vécues de ma vie. C'était vraiment extraordinaire, là. On travaillait super bien ensemble. Les storyboards, tu sais, c'est proche de la BD déjà, hein. Fait que on parlait déjà de faire une BD à ce moment-là. Mm-hmm. Puis on savait juste comme pas quelle forme, on savait pas où, quand et comment, mais on savait qu'on voulait faire une BD. Et j'ai l'impression, j'imagine, que l'idée de faire une BD qui n'était pas la BD du film, mais une BD autour de l'univers du film, a dû s'imposer quand même assez rapidement. Oui, parce que c'est plus intéressant comme ça. Parce qu'une adaptation, je sais pas si... on a déjà vu des adaptations directes des films, puis c'est tant qu'à ça, écoute le film. Mais surtout que Turbo Kid, c'est un peu un comic book à l'écran, là. Donc... Oui, c'est ça, exactement. Puis on voulait que ça se reflète dans la BD sans adapter l'histoire directement, mais tu sais, on voulait que la BD ait l'air presque d'un artefact. Tu sais, c'est-à-dire, dans le film, c'est post-apocalyptique, puis le kid, le personnage principal, lit des comic books. Mais c'est après l'apocalypse. Fait que, tu sais, tous les comic books sont déchirés, sont salis, manquent des pages. Puis, ben là, nous autres, on voulait pas couper des pages de notre BD, mais on voulait quand même que ça se reflète. Fait que c'est pour ça que la BD a de l'air scrap. Mm-hmm. A de l'air déjà... On dirait qu'elle a survécu l'apocalypse, dans le fond. Oui, puis même dans le temps, en fait, souvent, des comics qu'on pourrait s'imaginer en noir et blanc, dans un cas comme ça, si on n'y va pas avec pleine couleur. Mais dans votre cas, vous avez choisi noir et rouge, carrément. Oui, c'est super intéressant, parce que en fait, au début, on voulait faire juste noir et blanc et rouge. Puis... Il manquait de quoi? Il manquait justement le côté sali. Donc, même si la BD a de l'air en noir et blanc et rouge, elle est pleinement en couleur, c'est juste que la couleur, en fait, c'est les pages qui sont salies. Mmh. Tu sais, ça peut peut-être porter à confusion pour certains, mais quand on le voit, on comprend tout de suite. Là. C'est comme si c'était sur du vieux papier. Là. Mais ça, c'est de la couleur, en fait. Oui, puis ça ajoute à l'ambiance. En fait, on dirait qu'il y a un côté immersif dans la lecture du comic qu'on... À cause justement des choix de couleurs, à cause des choix esthétiques, carrément ouais. En lien avec le papier, avec les au-delà du dessin, là, si on peut dire. Exact, exact. Puis à quel point, en fait, le dessin que tu as développé dans le comic, c'est celui que tu avais exploré dans les storyboards? Et j'imagine qu'il y a une belle continuité de l'un à l'autre. C'est surprenant, mais pas en tout. Ah non? Parce qu'en storyboard, en fait, le style, l'esthétique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de communiquer... une idée, puis un mouvement, puis donc, souvent, les dessins sont vraiment pas beaux. Mais on comprend ce qui se passe, tu sais. Donc, les storyboards, c'était très, très sketch, vu qu'il fallait en faire beaucoup et rapidement. Puis, les personnages, à l'étape des storyboards, les personnages, les acteurs ne sont pas castés encore. Mm-hmm. Fait que je savais pas que c'était Laurence Leboeuf. Donc, Apple, dans les storyboards, elle ressemble pas du tout à Apple dans BD, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quand même très différent, mais là, c'est malheureusement, c'est fini, c'est terminé. Mais pendant le festival de BD, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont eu la chance d'aller voir l'expo, puis tu voyais vraiment le processus de storyboard au film et sketch de la BD jusqu'à des pages finales, puis tu comprenais très bien que c'était deux médiums complètement différents. Et on s'inspire de l'esthétique du film, on s'inspire du look des personnages, mais en même temps, l'idée, c'est pas non plus de dire, ben voici, on fait un portrait de Laurence Leboeuf en comique non plus. C'est plus il y a des éléments archétypaux qu'on a placés au personnage, puis c'est ceux qu'on retrouve un peu dans le comique aussi. Ouais, ben ça c'était comme un peu, c'était une grosse décision parce que quand je faisais les sketchs, évidemment, je me basais sur l'actrice Laurence Leboeuf. Sauf que un dessin très réaliste pour reconnaître l'actrice, ça servait pas au récit. Ça faisait pas assez comic book, bizarrement. Donc, j'ai décidé de la styliser puis vraiment de dessiner Apple au lieu de dessiner Laurence Leboeuf. Mm-hmm. Elle allait chercher l'énergie du personnage, l'esprit, le charisme de ce personnage-là. Oui, c'est ça, parce que tu sais, pour ceux qui ont vu le film, elle est complètement folle. Elle crie, elle saute, et c'est un personnage qui est comme ultra enjoué tout le temps, même s'il y a du monde qui se font massacrer ou peu importe, et comme elle trouve la vie belle tout le temps. Là, et c'est un peu la force de ce personnage-là qui a amené le fait de la choisir comme la pierre d'assise de la version livre, dans le fond, de Turbo Kid? Oui, parce que, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que dans les premières versions du script, même si, parce que Turbo Kid, le long-métrage, j'ai eu un court-métrage avant avec d'autres acteurs et tout, et Apple ne faisait même pas partie de ça. Puis je pense que personne s'attendait que Apple soit aussi populaire, là. Puis c'est pour ça que quand on a décidé de faire la BD, c'était comme... On l'a fait sur Apple, c'est sûr, t'sais. Et en même temps, sachant aussi, parce que j'imagine qu'il y avait une certaine pression dans la mesure où, quand le livre a été lancé, à tout le moins, le film était déjà un phénomène culte, moins au Québec, presque plus à l'international, côté anglophone notamment. Ouais. C'est un film qui circule beaucoup, donc il devait avoir déjà certaines attentes autour de ce que tu allais offrir en BD. Ouais, ben c'est le projet que j'ai été... c'est drôle, puis je veux vraiment pas que ça sonne prétentieux, là, désolé, mais normalement, je me fous un peu de ce que le monde pense de mon travail. Aussitôt que c'est fini, puis j'ai plus le contrôle là-dessus, donc moi, j'essaie juste de faire le meilleur possible, et il arrivera ce qui arrivera. Sauf que sur Turbo Kid, j'étais tellement stressé parce que, ben, à cause de ce que tu viens de souligner, dans le fond, tu sais, le film marchait tellement, puis les gens voulaient tellement un comic book que là, c'était pas à propos de moi, c'était pas à propos de mon travail. C'était à propos de servir cette franchise-là, tu sais. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça qui c'est, ça mettait de la pression de plus. Puis là, la BD est sortie, le monde trip. Fait que c'est cool, mais mon éditeur puis moi, on était comme pas sûrs. On était comme, le monde, va-tu aimer ça? Ça a-tu rapport? Puis finalement, le monde a trippé bien raide. Fait que... Oui, parce que même en même temps, pour Studio Lunac, on connaît l'éditeur surtout pour des formats livres. Et ici, quand on parle de comic book, c'est que c'est un comic book, c'est format comic book. Ouais. C'est une première forêt aussi dans ce format-là pour Lunac. Ouais. De ton côté, ben, en fait, c'est un médium que tu connais quand même, donc c'est plus d'adapter ou de travailler avec ce format-là en tête, tout simplement. Oui, mais c'est aussi un gros défi parce que un comic book, normalement, un comic book américain, c'est 22 pages. Mm-hmm. Nous, on a étiré sur 34. Le livre fait 40 pages avec les pubs et tout. Sauf que on ne savait pas s'il allait avoir une suite. Donc, on voulait faire comme un peu George Lucas a fait avec le premier Star Wars. Il savait pas que ça allait pogner. Donc, on était comme, s'il y en a juste une, faut que l'histoire se tienne. Sauf que c'est très tough raconter une histoire complète avec un arche de personnages en 34 pages. Mm-hmm. Puis, ben, je pense qu'on a réussi. Mais ça, t'as raison, c'était un gros défi de plus. T'sais. On n'a pas comme 80 pages pour élaborer. Fait en même temps, ça représente un peu le rythme du film qui est très rapide. Puis, tu sais, c'est vraiment genre, tac, tac, tac, tac, c'est une scène après l'autre. Puis, fait que c'est un peu comme ça, le comic book aussi. Jake Dion, en terminant, est-ce que on parle de succès, de la réception qui a été très positive, autant pour le film. Est-ce qu'on est un peu en discussion pour des deux, pour un éventuel Turbo Kid 2 du côté des réalisateurs, pour toi, peut-être à plus courte échéance, puisqu'il y a moins d'éléments en jeu, j'ai l'impression, pour un livre que pour un film, pour un deuxième comic book Turbo Kid? Ouais, ben c'est, on a le droit d'en parler, là, c'est rendu officiel. On fait un 2. Idéalement, nous, on aimerait ça faire une série. Je sais pas à quel point c'est réaliste, parce que le premier, on savait que les gens allaient l'acheter à cause du film. Le 2, là, c'est un autre game. Si les gens achètent le deuxième numéro de la BD, c'est qu'ils ont aimé le premier numéro. Fait que c'est plus juste à cause que le film était bon, puis ils ont trippé sur le film, ils veulent s'acheter une BD, c'est qu'ils veulent continuer à explorer cet univers-là avec nous autres. Mm-hmm. Fait que on fait un 2. C'est sûr, c'est un autre personnage qui est mis en scène. Peut-être qu'Apple va faire une apparence, mais c'est pas focusé sur elle. Ah ben, d'ici là, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on peut découvrir le premier Turbo Kid, donc en version comic book. Jake Dion, merci beaucoup. Hey, merci à toi, c'est super cool. Au plaisir. OK, bye. Bye-bye. Alors, Jake Dion, je le rappelle, l'auteur, dessinateur de ce Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple à côté d'RKSS également. Donc, c'est disponible du côté de Studio Lunac. We'll be right back. dernière ligne droite pour la vie en BD. Raymond Poirier avec vous, toujours les vendredis de 17h30 à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. On était à très courte échéance tout tantôt avec le samedi de la BD gratuite qui a lieu demain. On va aller à courte échéance maintenant avec les rendez-vous de la BD. La prochaine rencontre aura lieu le 11 mai et consacrée, entre autres, on pourrait dire, à la thématique de la couleur. Et pour en jaser, son animateur, Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond Poirier, merci de m'inviter encore à ton émission. Ça me fait plaisir, évidemment. Et Michel, en fait, cette rencontre-là, au départ, s'inscrivait dans le cadre du programme de résidence croisée en bande dessinée. Je contextualise, mais l'Institut canadien de Québec qui reçoit à chaque printemps un ou une BDiste illustratrice de la région de Bordeaux. Donc, étant donné que c'est également l'Institut canadien qui présente les rendez-vous de la BD, en profites à chaque année pour recevoir à ton activité la visite qui est venue d'Aquitaine. Donc, je le rappelle, la prochaine rencontre est mercredi qui vient, donc le 11 mai, 19h. Et, tu es avec nous, évidemment, pour nous mettre l'eau à la bouche autour de cette thématique-là. Une thématique qui s'inscrit aussi dans habituellement, c'est en mars, donc là, on est plutôt en mai. Il y a eu des petits changements d'horaire. Ouais. C'est pour la première année, en fait, la résidence a été décalée, si bien qu'ils ont un petit peu flushé la partie de sucre. Parce que là, c'est au lieu d'être en mars et avril, l'invité, à partir de cette année, nous rejoint à Québec en avril et mai. Donc, il faut dire qu'on a eu un mois d'avril particulièrement froid, donc je pense que les érables ont coulé à flot. Là. Mais je trouve ça pas mal parce que, écoute, c'est des gens qui deviennent des ambassadeurs puis qui retournent après ça dans leur région en parlant de Québec aux autres candidats à la résidence. Et là, au mois de mai, les fleurs sortent, il fait plus beau, la ville est moins grise, les arbres se parent de leur feuillage et les Québécois sortent des sous-sols pour aller à la rencontre du beau temps. Fait que moi, je me dis que c'est de bonne guerre d'avoir décalé la résidence. Et il y a une deuxième précision qui s'impose parce que j'avais annoncé un doublé féminin. Oui, parce que d'habitude, je reçois en même temps le ou la BDiste québécoise qui a séjourné à Bordeaux l'automne précédent. Mm-hmm. Et en l'occurrence, cette année, c'était Valmo. Sauf que Valérie Morancy a eu un empêchement majeur et ce sera pas des nôtres. Et à la limite, on pourrait faire une troisième précision aussi. Dans la mesure où l'artiste qui est de passage chez nous, j'ai mentionné tantôt Isabelle Merlet, il est accueilli à titre d'auteur jeunesse. En fait, c'est comme une résidence, une année un auteur BD, une année un auteur jeunesse. Mm-hmm. Et donc, pendant ces deux mois de résidence, elle travaille sur un projet d'album illustré pour enfants qui est pas une BD, mais t'as choisi, et je pense qu'on va le comprendre en t'écoutant, t'as choisi d'inviter, de convier tout de même Isabelle Merlet pour des raisons très nettes et très claires. Je t'invite à nous les exprimer. Oui, parce qu'Isabelle Merlet est une géniale touche-à-tout qui peint, qui dessine, sculpte, écrit, scénarise, fait des collages. On va d'ailleurs montrer des exemples de son travail dans toutes ces disciplines-là. Mais professionnellement parlant, elle s'est principalement imposée en tant que coloriste de BD. Elle y est venue à la coloration de bande dessinée presque accidentellement par le biais d'amis BDistes et elle s'est révélée vraiment très douée. Douée de ce qu'on appelle un talent naturel de quelqu'un qui essaye quelque chose, puis c'est je le lis là. Elle l'a. Alors, d'où le titre de la rencontre, en fait, Isabelle Merlet, l'instinct de la couleur. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas porté attention, peux-tu nous citer quelques séries ou albums qu'elle a mis en couleur? Oh là, elle ratisse très large, Isabelle Merlet. Dans la BD de genre, elle a tenté de la science-fiction fantastique avec les quatre premiers tomes du Chant des Striges. Elle a aussi tenté de la fantasy avec quelques tomes de la chronique de la Lune Noire et aussi Labyrinthe. Elle s'est essayée au récit historique avec la série La Croix de Kaznak, premièrement. Ensuite, le diptyque Svoboda, qui a lieu durant la Première Guerre mondiale, et même un peplum que moi, personnellement, j'ai dévoré récemment, Les voleurs de Carthage. Elle a visité le western avec le subversif Bigfoot de Dumonteuil. Elle a colorisé des adaptations d'œuvres littéraires aussi, Hermiston d'après Robert Louis Stevenson, mais aussi La guerre des boutons, Oliver Twist, et enfin Tartarin de Tarascon qu'elle a elle-même scénarisé avec son conjoint Jean-Jacques Rouget qu'on a reçu il y a quelques années. Et en parallèle aussi, elle a donné dans d'autres genres, ce que certains l'associent notamment à ce qu'on pourrait dire entre guillemets la BD d'auteur. Oui, effectivement, J'aime bien dire, j'aime bien utiliser cette expression-là. Elle a réenchanté des albums de Dumonteuil, Perriot, Bourris, Matuissi, Rabaté, plein de gens que j'ai reçus à mes rencontres ici, mais aussi Prudhomme, Rupert, Émulot, Vives et récemment Blutch. Et puis avec ce dernier, elle, d'ailleurs, elle a accompli un travail très audacieux sur l'album Lune l'envers, c'est de toute beauté. Alors, plein d'albums que j'avais lus en préparant mes rencontres avec les résidentieux bordelais ou mes rencontres sur les transpositions de romans en BD ou encore sur la Première Guerre mondiale ou encore des lectures que j'ai faites pour mon simple plaisir. Ça t'arrive. Ça m'arrive des fois. Donc, des albums comme La Marie en plastique, Le petit rien tout neuf avec un ventre jaune, La grande odalisque, La technique du périnée, plein de belles lectures savourées sans faire le lien, sans réaliser que la coloriste était une seule et même personne. Oui, puis en fait, on peut avoir l'impression que c'est même un constat souvent généralisé. On porte attention aux auteurs, aux scénaristes, mais on n'a pas encore le réflexe, comme lecteur BD, de porter attention à la personne responsable des couleurs. Non, puis les éditeurs, ça varie. Disons que ça s'améliore tranquillement. Il y en a qui mettent le coloriste bien en évidence, parfois même sur la couverture, mais c'est encore timide. Tu as tout à fait raison. C'est comparable aux monteurs ou aux scénaristes ou au cinéma qui sont hyper importants, mais qui demeurent des créateurs de l'ombre, alors que leur rapport est considérable. Et puis d'ailleurs, pour ce qui est de la coloration, ben on va le voir avec les exemples qu'Isabelle m'a fournis, qu'on va projeter sur écran. On va voir notamment des planches en noir et blanc, et puis après coup, une fois qu'elle les a mises en couleur, et là, c'est très parlant, on va vraiment voir tout ce que ça ajoute. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que ça va devenir un peu aussi un rendez-vous de la BD sur les métiers de la BD. Enfin, on va savoir c'est quoi les techniques, savoir c'est quoi le métier de coloriste de bande dessinée. Oui, les techniques, le métier, tout à fait. Sauf qu'avec Isabelle Merlet, c'est jamais juste technique. Elle a une approche qui est tout à la fois technique, oui, mais aussi en même temps esthétique, artistique, voire même philosophique. Des fois, on s'est rencontrés, puis elle se mettait à me parler de tout ça, puis j'étais là, Isabelle, arrête, tu m'en dis trop, parce que moi j'adore ça quand je me sens vierge et puis que c'est une vraie conversation avec des vraies questions et que je ne connais pas les réponses, là, mais je peux vous assurer qu'elle parle de son métier avec vraiment beaucoup de d'inspiration. Et j'imagine, en fait, parce que tous les albums qu'on mentionnait tantôt, on est dans une grande variété de styles, de genre, de styles de narration, d'approche d'auteur. Et comment, donc, oui. Donc, j'imagine que ça doit être un travail en constante adaptation au style de dessin, à ces genres-là et le reste. Et il le faut, parce que c'est tout à fait vrai, ça part dans toutes sortes de directions. Elle a débuté de manière traditionnelle à l'aquarelle sur des bleus d'impression. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle amènerait des originaux pour nous les montrer là, sur carton peint directement là-dessus, là, à l'aquarelle. Ensuite, elle est passée, comme bien d'autres, au numérique. Elle a fait des colorisations tantôt réalistes. D'autres fois, elle opte pour un rendu que j'arrive pas vraiment à qualifier autrement qu'expressionniste. Tantôt, par ailleurs, j'ai énuméré quelques-uns des genres auxquels elle a touché, mais c'est seulement en voyant les planches se succéder sur écran, je pense, que les gens pourront prendre la pleine mesure de sa polyvalence, de la diversité de ces univers visuels-là qu'elle revisite. En fait, on le sent encore plus quand on voit, comme je le disais tout à l'heure, les planches en noir et blanc avant qu'elles interviennent. Puis dans les albums, on n'a pas cette chance-là, alors qu'elle va nous fournir les versions noir et blanc. Alors que le dessin soit parfois dépouillé, d'autres fois avec un trait foisonnant, que ce soit des planches aérées ou saturées, que ce soit des fois même le dessinateur a préalablement placé les ombres en gris, puis elle colore par-dessus ça. C'est autant de techniques et d'approches qui sont différentes. Et puis, je sais que ça va être une révélation pour l'assistance, puis ça va l'être pour moi le premier, que de poser un regard nouveau sur un médium qui nous semble familier, hein, la BD, mais qui pourtant recèle encore plein de secrets sur certains aspects, comme la colorisation. Et parallèlement, enfin, on parlait du contexte aussi de la résidence BD. Alors, évidemment, c'est une résidence croisée qui existe depuis plusieurs années, mais je pense que c'est la première à se placer dans la nouveauté de la Maison de la littérature, donc la nouvelle institution littéraire qui a été bâtie dans le Vieux-Québec, dans lequel il y a un appartement, il y a une résidence d'auteur, donc qui a été aménagée là. Est-ce que pour l'anecdotique, en fait, est-ce que t'en as parlé? Est-ce que il y a une dynamique particulière au fait justement d'être placé dans le contexte de la Maison de la littérature pour des résidences? Ben, faut dire qu'auparavant, la résidence pour ce programme de résidence croisée-là se trouvait, pour ainsi dire, presque au même lieu parce que c'était vraiment au rez-de-chaussée de l'édifice là de l'Institut canadien. Et c'était, disons que ça avait été adapté, mais dans des locaux assez vieux, avec une petite fenestration, ça avait l'air des allures de monastère. Fait que ça avait énormément de cachets, mais c'était pas super lumineux. Alors que là, les gens qui sont passés le savent, l'Institut canadien a fait construire une aile qui s'est ajoutée à l'édifice initial, qui est tout à fait moderne, très vitrée, très fenestrée. Donc, moi, je suis allé à la résidence. On a une vue imprenable, un très bel ensoleillement. Puis ça a l'air d'être justement anecdotique. Mais non, on parle d'artistes qui sont en résidence, qui viennent ici 2 mois, mais ils viennent pour travailler, là. Mm-hmm. C'est important. Et puis, donc, Isabelle, par ailleurs, devient, pour 2 mois, la voisine d'en bas des gars de la shop à bulles qui sont juste au-dessus d'elle. Et par ailleurs, elle a aussi 2 pas à faire pour accéder à la Maison de la littérature en pantoufles, si elle veut, parce que c'est vraiment juste à côté par l'intérieur. Alors, tout ça, ça donne vraiment un cadre assez stimulant, je pense. Et puis, de ce que j'en sais, ben notre invitée, Isabelle Merlet, y travaille fort bien. Elle se sent très inspirée depuis qu'elle est à Québec, depuis les premiers jours d'avril, comme chantait Alain Barrière. Alors, ben on aura l'occasion d'aller à sa rencontre en ta compagnie, je le rappelle, mercredi 11 mai prochain, 19h à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. L'entrée est libre. Michel Giguère, ben nous, on se dit à l'automne prochain et à mercredi prochain, évidemment. On va s'ennuyer, mais oui, à l'automne prochain. Excellent. Salut bien. Ciao. Voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine, notamment, Guillaume Perrault et son facteur de l'espace. Une rencontre également avec le dessinateur Alcant. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.